Correspondance de Charles de Jean à ses parents, jour précédant l'attaque. Arcy-le-Ponsard, 5 avril 1917. Bien cher papa, bien chère maman, me voici sur le front depuis hier, après 3 jours et 3 nuits entièrement passés dans le train. Le temps était bien mauvais ces jours-ci. La pluie a battu tout hier et nous avons fait 22 kilomètres dans la boue à travers des chemins défoncés par les autobus. Nos pauvres Sénégalais ont quelque peu souffert du froid et de la fatigue, mais aujourd'hui, le soleil nous sourit. Après nous avoir boudés ce matin au point qu'il est tombé un léger manteau de neige, il nous réchauffe maintenant de ses plus doux rayons. Nous allons prendre ici 4 ou 5 jours de repos, je pense, puis nous changerons pour aller je ne sais où, et personne ne le sait encore sans doute. On entend de temps à autre le grondement sourd et lointain du canon, et par ce beau temps, les avions viennent assez souvent se promener sur nos têtes. Nous logeons dans des baraquements en planches. Il n'y a bien entendu pas de feu, ni de drap de lit, et tous les courants d'air sont admis dans ces logis, mais enfin, on n'y est pas encore trop mal, et sûrement beaucoup mieux que dans l'humidité des tranchées. C'est une vie qui n'offre pas l'agrément et le confort d'une maison à 4 étages, mais que je trouve très intéressante parce que très variée, et j'espère qu'elle nous offrira des émotions peu banales. Voici ma nouvelle adresse, 69e bataillon sénégalais, secteur 167. Je vous embrasse tous de tout cœur. Charles.